Chapitre 7e, la sirène. Vous, c'est vous ? Dit Carmela en courant à Don José qui venait de rentrer. José, au lieu de répondre, se débarrassa de son manteau et de son feutre tout ruisselant de pluie. Il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur un divan. Comme vous êtes pâle, mon ami, et que vous est-il arrivé ? Continua la belle créole en se plaçant coquettement à ses pieds sur un coussin de velours. Mon père est mort. Dit enfin le bâtard d'une voix sourde. « Mort ?» reprit Carmela en jouant l'étonnement, et bientôt l'ajouta. « Assurément, c'est un grand malheur, mais enfin, ce malheur vous apporte la liberté. » Il se fit un mouvement de silence. Ce fut José qui le rompit. « Vous avez parlé, je crois, de liberté, » dit-il avec amertume. « Mais qu'est-ce que la liberté sans la richesse ?»« En effet, » répliqua la créole, en appuyant avec un tension sur chacune de ses paroles. La pauvreté est la mère de toutes les servitudes. Mais votre père vous aurait-il déshérité ? Le duc de Clodion m'a traité en bâtard que je suis. Il m'a légué son habitation et les terres qui en dépendent, d'un 1000 francs de revenus à peine. Juste de quoi mener l'existence d'un gentleman fermier, dit Carmela avec un sourire de compassion. Charmante perspective, ma foi. Et votre frère, quelle est sa part ? 2 millions déposés à la Banque de France, en possession desquels, il entrera prochainement, car il va quitter ce pays pour aller se marier là-bas avec sa cousine, une demoiselle Fernande de Croix-Marie. Ainsi, reprit la belle créole, à lui la part du lion et les splendeurs de l'habit parisienne. À vous, pauvre héros, quelques misérables os à ronger et les tristesses mortelles du désert. J'avais pressenti tout cela lorsque le duc avait vendu ses propriétés. Je me doutais bien qu'il voulait retourner en France avec son fils Jean. Et cependant j'avais malgré tout rêvez pour vous un meilleur avenir. J'espérais que son cœur reviendrait à des sentiments plus paternels. Hélas, je m'abusais étrangement, mon cher José. » José ne répondit pas. Le front dans ses mains, il réfléchissait, et par moments, ses yeux s'arrêtaient sur Carmela assise à ses pieds. « La dernière fois que je suis venu ici, lui dit-il, en redressant la tête, vous m'avez demandé ce que je ferais si, au lieu d'être le bâtard du duc de Clodion, j'étais son fils légitime. » Et je vous ai répondu que je n'hésiterai pas à placer une couronne ducale sur votre tête. À mon tour, je vous demanderai si vous m'aimez assez pour partager le peu que je possède et devenir ma femme. Mon ami, je vous aime de toutes les forces de mon âme, reprit la dangereuse sirène. Mais la médiocrité à laquelle vous allez être condamnée, mes frères, non pas pour moi, mais pour vous. Ah, je vous connais. Ce qu'il vous faut, c'est une vie de luxe, de plaisir. C'est de le rejeter à pleine main, c'est... » Elle n'acheva pas sa phrase, elle se leva, fit quelques pas, s'arrêta, puis elle se remit à marcher pour s'arrêter de nouveau. José la suivait des yeux sans comprendre. Tout à coup, elle le rejoignit et le regarda avec fixité. « Savez-vous quelle idée m'est venue ? » lui dit-elle. « Non. »« Eh bien, cette fortune et ce nom qui vous échappent, si vous le voulez, je peux vous les donner. » Le bâtard fit un soubresaut. Son visage se colora, mais la vive émotion qu'il avait ressentie disparut presque aussitôt qu'elle était venue. « Vous plaisantez, sans doute, » répondit-il. « Je parle sérieusement, Don José. » « Mais à moins d'un miracle, je ne vois pas bien. Il ne s'agit pas ici d'un miracle, » interrompit la jeune créole. « Mais tout simplement de mettre à profit la ressemblance qui existe entre vous et votre frère pour le faire disparaître. »« Un assassinat !» s'écria José en reculant avec épouvante. Une substitution, pas autre chose. Vous rêvez l'impossible. Supposons un instant, continua Carmela, que Jean soit instantanément frappé de folie, d'une folie incurable, et emmené dans les grandes prairies américaines par une de ces hordes indiennes qui les sillonnent incessamment. Tout cela ne ferait pas de moi un vrai duc de Clodion, interrompit de nouveau le bâtard. Laissez-moi achever, dit la créole. Vous me répondrez ensuite. Votre frère, une fois fou, est disparu. Admettons, et la chose n'est pas infaisable, que je vous mette en possession du testament de votre père et des actes qui constatent l'identité de Jean, qui donc vous empêcherait de vendre en France sous son nom, et qui donc en France pourrait soupçonner la substitution qui aurait eu lieu. Tout ceci est fort ingénieux sans doute, répondit José, dont les convoitises s'allumaient peu à peu sous les criminelles excitations de Carmela. Mais votre imagination vous emporte dans les régions de la fantaisie. Jean a toute sa raison et rien ne fait pressentir qu'il puisse la perdre. Ceci me regarde, reprit la belle créole, Mais jurez-vous de prendre la place de votre frère, si elle vient d'elle-même s'offrir à vous? Certes, oui. Et lorsque vous serez duc, vous serez duchesse, dit le bâtard. Je prends acte de votre promesse. Maintenant, retournez sans perdre une minute à l'hacienda, car si on remarquait votre absence, elle pourrait, dans les circonstances présentes, être mal interprétée. Et il importe que vous ne donniez prise à aucune interprétation défavorable. Carmela, en prononçant ces paroles, tendit sa main mignonne à José, qui la porta à ses lèvres, puis il prit son manteau, son feutre, et il sortit du boudoir. Quelques instants plus tard, un cheval lancé au galop annonçait à la créole qu'il pouvait rendre le capitaine Maresco à la liberté. Lorsque l'aventurier sortit de sa cachette, son visage était sombre et la colère se lisait sur ses traits contractés. « Carpo de Cristo !» s'écria Maresco en rentrant dans le boudoir de Carmela. « J'en ai entendu de belles. Ainsi, c'est pour devenir duchesse que vous m'avez fait assassiner le duc de Clodion et que vous manigancez une nouvelle trahison qui doit mettre le bâtard au lieu et place du fils légitime. Mes sincères compliments, je ne vous supposais pas aussi forte. Quel rôle me réservez-vous dans cette lugubre comédie? Vous croyez sans doute quitte envers moi en me gratifiant de quelques primes dérisoires. Peut-être votre générosité ira-t-elle jusqu'à m'offrir une cinquantaine de mille francs? Par le diable, ma toute belle, vous ne connaissez pas encore le capitaine Maresco, et je vous apprendrai à le connaître. Mais à vos dépens, mille tonnerres !» Carmela s'attendait à cette explosion, et elle laissa s'exhaler, sans chercher à les calmer, le dépit et la rage de l'aventurier. Quand il eut achevé de parler, elle partit d'un éclat de rire. « Vrai, lui répondit-elle, j'avais une plus haute idée de votre perspicacité. Comment? Vous n'avez pas deviné que si je veux m'emparer de la fortune du duc, c'est uniquement pour la partager avec vous? Mais puisque vous avez promis au bâtard de devenir sa femme, je ne l'épouserai jamais. Je n'ai pas rêvé, morbleu. Je vous ai entendu, et lui aussi, et les oreilles me bourdonnent encore. Mais niais que tu es, pour l'amener à faire ce que je voulais, il fallait bien l'attirer par une amorce, lui montrer un appât comme au poisson qu'on brûle de prendre. Le bâtard de Clodion est amoureux fou de moi. 20 fois, il m'a offert son cœur et sa main, et mon amorce a été la promesse que je l'épouserai lorsqu'il sera substitué à son frère. Mais une fois la substitution opérée et les richesses de son père en ma possession, je ferai de Don José ce qu'on fait d'une orange dont on a exprimé tout le suc. Je le planterai là et je m'en irai avec toi et nous ne nous quitterons plus. Comprends-tu maintenant ? Maresco n'avait pas quitté des yeux la belle créole pendant qu'elle lui expliquait ses projets. Et lorsqu'elle eut cessé de parler, il demeura tout pensif. « Tenez, Carmela, répliqua-t-il après s'être recueilli, vous me faites peur. Et puis une voix intérieure me dit que vous me réservez dans toute cette affaire le rôle de dupe. » La créole voulut l'interrompre, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Prenez garde, car s'il devait en être ainsi, souvenez-vous que je ne suis pas de ceux qu'on traite comme les oranges dont vous parliez tout à l'heure, et que vous auriez un compte terrible à me rendre de votre trahison. » Faut-il donc te le répéter, enfant que tu es? Répondit la créole en lui pressant les mains. Je n'aime et je n'aimerai jamais que toi. Les défiances qu'avait conçues au moment Maresco se dissipèrent devant ces paroles prononcées avec un accent de sincérité qui aurait convaincu les plus incrédules. Je te crois, répliqua-t-il, mais revenons à ton projet. Ce que tu entreprends là est bien hardi, sais-tu. Escamoter un homme comme une muscade, et le remplacer par un autre, diable. Si tu manquais ton coup, il pourrait t'en cuire, ma chère fille. Mon moyen est infaillible. Voyons, conte-moi ça. J'ai parfois de bonnes idées, et si ton plan clochait en quelque partie, peut-être te donnerais-je d'utiles conseils. Tu as entendu parler de certaines substances mystérieuses dont les peuplades sauvages seules possèdent le secret, continua Carmela. Parmi elles, il en est une dont la propriété est terrible. C'est une ombre blanche, qui se dissout instantanément dans tous les liquides sans en dénaturer le goût. Celui qui l'absorbe s'endort d'un sommeil de plomb. Ce sommeil dure 48 heures, et lorsqu'il se réveille, il a perdu avec la raison tout souvenir de son existence antérieure. « Et la raison perdue ne se recouvre jamais ?» demanda Maresco. « Si, il est une guérison possible, ce dont je doute, » dit la créole. « Je ne sache pas que jusqu'à ce jour, on l'ait trouvé. » Puis elle ajouta, le fils légitime du duc de Clodion, pendant le trajet de San Antonio à la Veracruz. « Je comprends, » interrompit l'aventurier, « mais une fois le breuvage pris, Comment pourras-tu opérer la substitution sans que les serviteurs qui escorteront le duc Jean s'en aperçoivent ? J'aurai pour auxiliaire des guerriers Comanches. Une lutte ? Non, ce serait trop maladroit. Ils s'empareront sans coup férir de Jean de Clodion, et José prendra tout naturellement sa place, sans qu'on se doute de la supercherie, grâce à la merveilleuse ressemblance qui existe entre eux. Fort bien, mais t'es-tu assuré le concours des Comanches ? Pas encore, mais je connais leur chef. Il campe en ce moment à une dizaine de lieues en remontant vers le Texas, et je sais le moyen d'obtenir de lui tout ce que je voudrais. Tu as réponse à tout. Demain matin, au petit jour, reprit la créole, viens avec deux bons chevaux me prendre ici, et nous irons trouver le chef indien dans son camp. Surtout, n'oublie pas les provisions de bouche, car il n'y a pas de posada sur notre route. J'ai l'habitude des excursions dans le désert, répondit le capitaine Maresco, et mon havresac sera largement garni. Ainsi que la chose avait été convenue, l'aventurier arrivait le lendemain au point du jour devant le chalet. Carmela, vêtue d'un élégant costume de cavalier mexicain, attendait sur sa véranda. Elle descendit en toute hâte, s'élança sur le cheval qui lui était destiné, et répondit à la vieille négresse qui lui demandait combien de temps durerait son absence. « Demain, à pareille heure, je serai de retour. Que Dieu vous garde, maîtresse, » dit Axis en refermant la grille du chalet. Maresco et la créole mirent aussitôt leurs chevaux au galop dans la direction du nord.